Yes, the Lord. Hallelujah. Amen. The Lord is so wonderful. What a time. Amen. The Father is so good. Lord of the God to be here. Das zu, dass dein Fokus auf deinem Vater liegt. Don't take your focus away from him. Dein Fokus ist weg von uns. Amen. Amen. Allow him to be your lifestyle. Lass zu, dass dein Lebensstil ist. Praise the Lord. Hallelujah. We continue from where we stop on Sunday. Amen. Amen. Es geht weiter mit dem Thema von Sonntag. On va continuer avec notre message dimanche. We were in John 16, where Jesus said we need the Holy Spirit. Wir waren in Johannes 16, wo Jesus gesagt hat, dass wir den Heiligen Geist brauchen. On était à Jean 16, où le Saint-Esprit, Dieu a dit qu'on a besoin du Saint-Esprit. He said we need the Holy Spirit to know him. Wir brauchen den Heiligen Geist, um ihn zu erkennen. On a besoin du Saint-Esprit pour le reconnaître. And that is why no one should reject the Holy Spirit. Deswegen darf niemand den Heiligen Geist verweigern. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas rejeter le Saint-Esprit. That is why no one should ignore the Holy Spirit. Niemand darf den Heiligen Geist ignorieren. C'est pour cela qu'il ne faut pas ignorer le Saint-Esprit. And no one should say it passed away with the apostles. Und niemand soll sagen, es ist vergangen mit dem mit den Jüngern. Et personne ne doit dire que le Saint-Esprit est passé avec les apôtres. No one should say he is not here today. Niemand darf sagen, dass nicht mehr existiert. Personne doit dire qu'il n'existe plus. Because without him there is no salvation. Denn ohne ihn gibt's keine Rettung. Parce que sans lui, il n'y a pas du salut. And without him you cannot remain in your salvation. Und ohne ihn kannst du nicht in deiner Errettung bleiben. Et sans le Saint-Esprit, on peut pas rester dans notre salut. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Without him, you cannot be saved. And without him, you cannot remain saved. Ohne ihn kannst du nicht errettet werden und ohne ihn kannst du nicht errettet bleiben. Sans lui, tu peux pas être sauvé et sans lui, tu peux pas retenir ton salut. Rester avec ton salut. And that's why somebody is against the Holy Spirit. Wenn jemand gegen den Heiligen Geist ist, that's okay. Si quelqu'un est contre le Saint-Esprit. And that to know that you just know who that person is. You have to know. Musst du das zeigen, wer diese Person ist? Et tu dois reconnaître qui la personne. Immediately that person is not saved. Dass diese Person nicht errettet ist. Tu dois reconnaître que la personne n'est pas sauvée. Are you getting it? Mm-hmm. If one is against the Holy Spirit. Niemand gegen den Heiligen Geist. Si quelqu'un est contre le Saint-Esprit. I'm not saying what the Muslims call their Holy Spirit. Ich meine nicht, because I heard they said, yeah, we are talking about. They also talk about the Holy Spirit. Ich meine nicht, dass das Muslime Heiliger Geist nennen. Je ne parle pas du Saint-Esprit des Muslims. It's not what you know. It's not what you know. A lot of churches today call the Holy Spirit. But what Jesus called the Holy Spirit. Oder was viele Kirchen den Heiligen Geist nennen, sondern es geht um das, was Jesus Christus den Heiligen Geist nennt. Il s'agit que de ce que Jésus-Christ appelle Saint-Esprit, pas ce que les églises appellent Saint-Esprit. I also heard that the Catholics believe that the Pope is the Holy Spirit. Oder ich habe auch gehört, dass die Katholiken glauben, dass der Papst der Heilige Geist ist. J'ai écouté dire que les Catholiques pensent que c'est le Pape qui est le Saint-Esprit. The Holy Spirit revealed Christ to us. Der Heilige Geist offenbart uns Christus und nicht den Papst. Le Saint-Esprit nous révèle Jésus-Christ et pas le Pope. If you look at them, they never even talk about Jesus Christ. Wenn wir uns they are all against Jesus Christ. Die katholische Kirche anschauen, sind gegen Jesus Christus. Et si on regarde l'Église catholique, ils sont contre Jésus-Christ. The Holy Spirit is the Spirit of Christ. Der Heilige Geist ist der Geist von Christus. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. I always want to know where people stand concerning the Holy Spirit. Ich möchte immer wissen, wie Leute zum Heiligen Geist stehen. Je veux toujours comprendre quelle l'opinion de l'homme devant moi concernant le Saint-Esprit. Because it will help me to know who you are. Was wird mir zeigen, wer du bist? If you are saved or not. Du errettet bist oder nicht? Parce que ça va m'aider à comprendre qui tu es et si tu as ton salut ou pas. Because salvation is not about going to church. Denn Errettung ist nicht zur Gemeinde zu gehen. Le salut ça veut pas dire de partir à l'église. Salvation is believing Christ. Errettung ist an Christus zu glauben. Le salut ça veut dire de croire en Jésus-Christ. Salvation is knowing Christ. Errettung ist Christus kennen. Le salut, ça signifie de connaître Jésus-Christ. Salvation is not about you don't have problem. Errettung ist nicht, dass man kein Problem hat. What man call problem? Was menschen Probleme. Le salut, ça ne veut pas que tu n'as pas de problème, c'est que l'être humain a plein de problèmes. You know when Jesus in John 3 talks about salvation. Als Jesus in Johannes 3 über Rettung spricht. Quand Jésus-Christ en Jean 3 parle du salut. Let's go there. John 3. Praise the Lord. Alléluia. John 3. Johannes 3. Jean 3. Look at how what Jesus talked, what Jesus said about salvation. Regarde ce que Dieu parle à propos du salut, ce qu'il dit. From verse 13. Jean 3, 13. He said, I know man had ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of Man, which is in heaven. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life. Praise the Lord. Alleluia. Here Jesus is telling us about salvation. Hier erzählt uns Jesus von der Rettung. Jean 3, 13 à 16, Jésus-Christ nous parle ici du salut. Amen. Amen. Then in verse 16, it says, for God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believed in him. It's not saying, he did not say, you know, let me continue first. Should not be perished, but have everlasting life. You know, here it's not saying that who believe in him will not have problem. Es steht nicht, dass wer an ihn glaubt, wird keine Probleme haben. Ici, and they won't mark up problems. Ici, n'ont pas écrit que si tu crois en lui, tu n'auras pas de problème. C'est ce que l'homme appelle problème. He said that whosoever believed in him should not perish, but have everlasting life. And if you know, Jesus even help us to know what everlasting life means. Jesus hilft uns zu erkennen, was in John 17, verse 3. Johannes 17, 3. Jésus-Christ nous aide à comprendre qu'est-ce que ça signifie la vie éternelle. Amen. Learn to always combine the two. Verse 3. He said, and this is life eternal, that you know the only true God, and Jesus Christ whom thou hast sent. Praise the Lord. Alleluia. To know the only true God. Jean 17, 3. To know Christ. Den wahrhaftigen Gott to know the only true God. Den einzig wahren Gott kennen. Ça nous dit de comprendre qui est le vrai Dieu. Because, you know, Jesus always operates from the root. Jesus arbeitet immer von der Wurzel aus. Jésus-Christ, lui, travaille toujours avec les racines. The root of problems. Die Wurzel der Probleme. Les racines de problèmes. The root of problem has been you don't know Christ. Die Wurzel der Probleme war bis jetzt. No, it's not the problem. It's you don't know him. La racine de tout problème est que tu ne connais pas Jésus-Christ. You know Adam and Eve, they did not know God. Adam et Eva kannten Gott nicht. Comme Adam et Eve, ils ne connaissaient pas Jésus. Ils ne connaissaient pas Dieu. They did not know God. And that is why Satan was able to deceive them. Did somebody get something? Et c'est pour cela le diable était capable de leur mentir. They did not know him. They can't finish. And that is why, they did not know that God made them in his own image. They were already like God, exactly. That Satan was able to deceive them because they did not know him. Aber der Teufel war in der Lage, sie zu täuschen, weil sie Gott nicht kannten. Mais le diable a été capable de leur tromper parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Praise the Lord. Alleluia. Jesus says to know the only true God and to know the Son. Jesus hat gesagt, he sent. Den wahrhaftigen Gott kennen, den Sohn, den er geschickt hat. Dieu a dit qu'il faut connaître, essayer à connaître le vrai Dieu, c'est que celui que lui il a envoyé. You know, here, then, if you read there, it talks about two things: the only true God, and then the Son. Wie wir das hier lesen, sehen wir, es geht um zwei Dinge, um den Sohn und den wahrhaftigen Gott. Si on lit bien, on va voir qu'il parle de deux choses différentes, du vrai Dieu et du Fils. Remember, there, you know, there is a God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. God the Father, God the Son. Somebody get it, son. Comme quand il dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint Esprit. Alors, you know, the Muslims today, they, for them is God. I never had the son. Are you getting it? God, aber les musulmans, par exemple, eux, pour eux, l'important c'est Dieu, mais c'est pas le fils. If you know, people they are trying to know God. You go knowing God, you can never even know the true God. You know, pursuing to know God, you can never know the true God. It is pursuing to know Christ that you know the true God. Aber du kannst den wahrhaftigen Gott nicht erkennen, wenn du versuchst, Gott selbst zu suchen. Du musst Jesus, nur durch Jesus Christus können wir Gott sehen. Tu peux pas connaître le vrai Dieu si tu essaies de lui connaître sans Jésus Christ. Tu peux seulement connaître le vrai Dieu en commençant d'abord avec à connaître Jésus Christ. Remember John 14, verse 6. He said, I am the way, the truth. And the way to the Father, the true God. Jésus Christ lui-même, il dit, c'est lui, c'est à travers lui que on peut connaître Dieu. Il est la vie, la vérité, le chemin. You never come to me and not knowing the true God. Il kommt nicht zu Jesus ohne den wahrhaftigen Gott zu erkennen. Tu ne peux pas partir chez Jésus Christ et penser que tu vas pas connaître Dieu. But if you go the other way to a pursuing God and reject Jesus, you are going to miss somebody, but it's not the true God. It's Satan. Jesus aus dem Weg zu gehen und Gott zu suchen, wirst du auf den Teufel treffen. Et pourtant, quand tu vas essayer de connaître Dieu sans accepter Jésus Christ, là tu vas partir chez le diable. Praise the Lord. Hallelujah. You know, I always want to know where people stand concerning the Holy Spirit. Ich möchte mal wissen, wie Leute zum Heiligen Geist stehen. Moi, je veux toujours comprendre comment les gens, qu'est-ce que les gens pensent du Saint-Esprit. It helped me a lot to judge the spirit in them. Das hilft mir, den Geist zu prüfen. Et ça me permet à juger l'esprit derrière la personne. Because the Bible says we should judge the spirit. Are you getting it? Car la Bible dit qu'il faut juger l'esprit derrière la personne. Praise the Lord. Hallelujah. If you are of Christ, si tu appartiens à Dieu, à Jésus, you will never reject the Holy Spirit. Dann wirst du den Heiligen Geist nicht verweigern. Si tu appartiens à Jésus-Christ, tu vas jamais rejeter le Saint-Esprit. But if you are of religion, the Holy Spirit will be just nothing to you. Wenn du religiös bist, ist der Heilige Geist für dich unnötig. Et si tu es religieux, le Saint-Esprit, ça te dira rien, ça sera plus, moins important pour toi. You know, you are going to have one of the two. Of these two. Of these two. Tu vas avoir un de ces deux là. The Holy Spirit or evil spirit. Den Heiligen Geist oder den bösartigen Geist. Tu vas avoir ou le Saint-Esprit ou l'esprit du mal. If you are the type that Savior, you know, you reject, ignore the Holy Spirit and believe it passed away with the apostle, you are telling me you are not saved. Wenn du glaubst, dass der Heilige Geist nicht mehr existiert, dann sagst du mir damit, dass du nicht wiedergeboren bist. Si tu me dis que tu ne crois pas au Saint-Esprit, que le Saint-Esprit n'existe pas aujourd'hui, tu me dis aussi avec ce que tu dis, tu me fais voir que tu n'as même pas le salut. You are telling me you have the evil spirit, not the Holy Spirit. Sagst mir damit, dass du einen bösartigen Geist hast und nicht den Heiligen Geist. Et tu me fais montrer que tu as l'esprit du diable et pas l'esprit de et pas le Saint-Esprit. Because if you really have the true Christ, ja, you will never reject the Holy Spirit. Wirst du den Heiligen Geist niemals verweigern. Because nothing can separate them. Parce que si tu connais la vérité, tu as vraiment Jésus-Christ, tu vas jamais rejeter le Saint-Esprit parce que il y a personne qui peut séparer Jésus-Christ avec le Saint-Esprit. And I can never be one with you. Und ich kann niemals eins sein mit dir. Et moi non plus, je peux pas être une personne avec toi. Because you are attacking my life. Weil du mein Leben angreifst. Parce que tu es en train d'attaquer ma vie. Christ is my life. Christ ist mein Leben. Vu que Jésus-Christ est ma vie. Amen. Amen. You know, Paul told us who to run away from. Paul hat gesagt, vor wem wir fliehen sollen. Paul nous a montré, nous a dit qui on doit éviter, quelle personne on doit éviter. Amen. Amen. He did not tell us to run away from sinners. Nicht von Ungläubigen. Il nous a dit, il nous a pas dit d'éviter les païens. But for those that call themselves believers, that you know, they keep on rejecting what Christ said we should embrace. Aber Leute, die sich Gläubige nennen und immer wieder das verweigern, was Jesus Christus sagt. Il nous a dit d'éviter les personnes qui s'appellent, qui eux-mêmes ils s'appellent les enfants de Dieu, mais ils sont religieux. Ils sont vraiment très dangereux, ces personnes-là. Because without the power of the Holy Spirit, you are the one doing the job and not Christ. Denn ohne Kraft des Heiligen Geistes arbeitest du und nicht der Heilige Geist. Parce que sans la puissance du Saint-Esprit, c'est toi qui travailles et pas le Saint-Esprit. You know, Jesus came here. Without the power of the Holy Spirit, he could do nothing. He will not until he was baptized with that power. Because once that power comes, baptism of the Holy Spirit comes with power. I never come empty-handed. Go to Acts 1 and let us see something. Die Taufe des Heiligen Geistes kommt immer mit Kraft und nicht leer. Être baptisé du Saint-Esprit, ça vient toujours avec une puissance. Ça vient jamais vide. Apostelgeschichte 1. And people want to, you know, there are some that even want to go by feelings. Und einige wollen sogar durch Gefühle. Il y a d'autres personnes qui veulent comprendre et travailler avec les sentiments. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. From verse. Acte des apôtres. From verse 5. Verse 5. Verse 5. Okay, or 4. Let's go to. From verse 3. Verse 3. He said, to whom also he showed himself alive after he passed his passion by many infallible proofs, being seen of them 40 days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. Amen. Amen. Remember two kingdoms. Erinnert euch daran, es gibt zwei Königreiche. Après sa mort, il se présenta à eux vivants et leur donna des preuves nombreuses de la résurrection. The kingdom of this world and the kingdom of God. Das Königreich dieser Welt und das Königreich Gottes. Il y a deux royaumes, il y a le royaume des cieux et le royaume de ce monde. The kingdom of Christ belongs to the true God. Das Königreich von Christus gehört zum wahrhaftigen Gott. Le royaume de Dieu, ça appartient au. But the kingdom of this world belongs to Satan. Dieu. Aber das Königreich dieser Welt gehört zum Teufel. Mais le royaume de ce monde, ça appartient au diable. Because it's full of Satan's system. Weil es voll ist vom System des Teufels. Parce que c'est plein du système de ce monde. La sagesse de ce monde. Then they are going to judge you. They are going to judge you by your education, by your color, by your country. You know, Christ never. You know, the kingdom of Christ is something else. Is somebody getting it? Das Königreich dieser Welt richtet nach dem Augenschein, nach dem Augenmaß. Aber das Königreich von Jesus Christus macht das nicht. Okay, le royaume de ce monde va commencer à te juger à travers le monde naturel, à travers tes éducations. Mais le royaume des cieux ne juge pas avec ses histoires. And being assembled together, verse 4, with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem. But wait for the promise of the Father, which says, He, you have heard of me, the promise of the Father. Amen. Amen. Amen. Baptism of the Holy Spirit is the promise of the Father. Die Taufe des Heiligen Geistes ist das Versprechen des Vaters. Le baptême du Saint-Esprit, c'est ce que Dieu nous a promis, c'est sa promesse. He says, For John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Ghost. Not many days hence. It's no longer the natural water, but you will be soaked in the Holy Ghost. Denn es ist nicht mehr das natürliche Wasser, sondern ihr werdet getauft im Heiligen Geist. Parce que c'est plus de l'eau naturelle. On va être baptisé avec le Saint-Esprit. Baptized. That's why, you know, to be saved, you drink. It goes into your body. But to be the baptism, it means soak. Are you getting something? Errettung. You're never the same. Nehmen wir sozusagen ein, nehmen wir das Essen, Jesus Christus Essen, aber die Taufe des Heiligen Geistes ist, darin sind wir eingetaucht. Amen. Le salut, c'est on le prend comme de l'eau sur nous, comme si on boit de l'eau. Mais être baptisé dans le Saint-Esprit, c'est nous-mêmes, on se plonge dans cette eau-là. And in John 14, he said, the Holy Spirit will be in you. I will be with you. Und, not just in you alone. Der Heilige Geist wird nicht nur in dir sein, sondern um dich bei dir sein. In Jean 14, il est écrit que le Saint-Esprit sera avec nous et aussi dans nous. Donc tous les deux. When they therefore will come together, they ask of him, saying, Lord, will thou at this time restore again the kingdom to Israel? You know this question. The flesh. Il a demandé ici. It's like, you know, that man, John 3. Asking Jesus, what born again is? Is it to go to your mother's womb the second time? This type of is the same question. Some people are asking here. Comme il était réuni autour de lui, ils lui demandèrent, Seigneur, est-ce que ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël? Jesus came so that we are born of God and no longer born of man. Jesus came damit wir geboren sind von Gott und nicht mehr von geboren sind von Menschen. Jésus-Christ est venu pour qu'on puisse être né de Dieu et plus d'être né de l'homme. Those that are born of God. C'est la différence. Il est écrit dans Jean 1. You know, here they were seeing Israel as a country and not seeing Christ. Hier haben sie Israel als ein Land gesehen, nicht Christus. Ici, verset 6, ils ont vu Israël comme un royaume, comme un pays, mais ils n'ont pas vu Jésus-Christ comme le verset royaume. Verset 7. And he said unto them, it is not for you to know the thing, the times or the season which the Father had put in his own power. Amen. But you shall receive power after the Holy Ghost is come upon you. The Holy Ghost always comes with power. Der Heilige Geist kommt immer mit Kraft. Something. Le Saint-Esprit vient toujours avec une puissance. He has his own properties. Er hat seinen eigenen Besitz. Il a ses propres propriétés. Jesus is saying that he comes with power. Jesus sagt, er kommt mit Kraft. Et Jésus-Christ a dit qu'il vient avec sa puissance. And he shall be with and you shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. If you don't believe in the Holy Ghost, wenn ich an den Heiligen Geist glaube, and you don't believe it passed away with the apostle, und denkst, dass es Vergangenheit ist, si tu penses que le Saint-Esprit est parti avec you are telling me a lot of things about you. Sagst du mir damit sehr viele Dinge über dich. Like I need to know. Tu me dis beaucoup des histoires concernant ta personnalité. Amen. Amen. And if you are saying the Holy Ghost is only for salvation, but not for baptism of the Holy Spirit. Und wenn du sagst, dass der Heilige Geist nur für die Rettung ist und it's nicht für den Heiligen Geist, to be inside. Und nicht für die Taufe. When you just receive one, you receive all. Oder du glaubst, dass wenn du wiedergeboren bist, hast du auch schon die Taufe empfangen. Si tu penses que quand tu as ton salut, que tu as automatiquement le Saint-Esprit. You are telling me you are not even born again. Da sagst du mir, dass du nicht wiedergeboren bist. Là, tu me dis que tu même le salut que tu penses que tu as, tu ne l'as même pas. Praise the Lord. Hallelujah. Because you know, here, without the power of the Holy Spirit, it is impossible to remain born again. Es ist unmöglich, wiedergeboren zu bleiben. Sans la puissance du Saint-Esprit, c'est impossible de rester avec ton salut. Yesterday, Bible studies, we talk about two things, which is how you know to hear the voice of Christ. How to hear the voice of Christ. Gestern haben wir in der Bibelstunde darüber gesprochen, wie wir die Stimme des von Christus hören. Hier, on a parlé de comment écouter la voix de Jésus Christ. And we also talked about self-salvation. Und auch über die Selbstwiedergeburt. On a aussi parlé d'être né de nouveau de soi-même. You know, you can be saved. Son propre salut. When you are even listening to television and you are preaching Christ, or even when you are even praising Christ and just, you know, rejoicing. You know, the conviction can even come from your heart that I'm just pray the prayer and you are safe. Du kannst alleine wiedergeboren werden, wenn du zum Beispiel dir einen Film angeguckt hast oder eine Predigt angeschaut hast und am Ende jemand dich einlädt dazu, Jesus anzunehmen, oder während du einfach betest oder singst und auf einmal hast du diese Erkenntnis, dass Jesus Christus wirklich dein Herr und Retter ist, und dann akzeptierst du ihn. Das kann passieren. Ça peut arriver que tu puisses avoir ton salut pendant que tu écoutes une prédication ou bien tu écoutes une musique qui te touche de ton cœur et tu acceptes Jésus Christ. What about baptism of the Holy Spirit? Aber was ist mit der Taufe des Heiligen Geistes? Mais alors le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. You can't even believe that you have him. Du kannst sogar glauben, dass du den Heiligen Geist hast. Tu peux même croire que tu as le Saint-Esprit. But to remain safe. Aber rettet zu bleiben. Rester dans le salut. Without the power of the Holy Spirit. Ohne Kraft des Heiligen Geistes. That you really know him and know him and know him. Ihn wirklich zu erkennen. Your salvation is just temporary. Ist deine Errettung nur für einen kurzen Zeit. Là, ton salut est temporaire. I'm not saying you might not be saved immediately, but your salvation is temporary. Ich sage nicht, dass du dann in dem Moment nicht wiedergeboren wirst, sondern dass deine Wiedergeburt begrenzt ist. Je ne dis pas que tu peux pas être sauvé, que tu peux avoir ton salut, mais je dis que ton salut est temporaire. Because salvation is a choice. Denn Errettung ist eine Entscheidung. Parce que le salut freedom c'est une of choice. Décision. Are you getting it? Mm-hmm. Freedom. You are free to say yes. You are free to say no. Du hast die Entscheidungsfreiheit, ja oder nein zu sagen. Tu as la liberté de dire oui ou de dire non. It's not the same. It's not as the same as you are, you know, being born by your parents, your natural mother and your father. Es ist nicht so wie they are so different. Geboren bist von deinen Eltern. C'est pas comme si, comme tu es né de tes parents, par exemple. Là, tu n'as pas de choix. Amen. Amen. The same heart that you used to believe Jesus, you can use that same heart to even reject him. Das gleiche Herz, was du nutzt, ihn zu akzeptieren, ist das gleiche, was du nutzen kannst, ihn zu verweigern. Le même cœur que tu utilises pour accepter Jésus-Christ, ça peut être même le même cœur avec qui tu peux rejeter le Saint. That is why you are to really believe the power of the Holy Spirit. Deswegen musst du wirklich an die Kraft des Heiligen Geistes glauben. C'est pour ça que tu dois vraiment croire à la puissance du Saint-Esprit. It does not make you not help you to be saved alone. It keep you safe. Es hilft dir nicht nur errettet zu werden, sondern es hilft dir errettet zu bleiben. Are you getting it? Ça t'aide pas seulement à avoir le salut, ça t'aide aussi à retenir ce salut. Imagine you since you became saved. Seitdem du errettet wurdest. Depuis que tu as ton salut. You know how many mistakes you have made in your life. Weißt du, viele Fehler du begangen hast in deinem Leben. Est-ce que tu sais combien Fehler? Mistake, fail. How many times you have fought with your wife, when with your husband, or your, you know, with, you know how many times you have done something, you know, you need the power of the Holy Spirit to bring you back to the light. Wie oft du schon Christ einfach is somebody getting it? Reihe getanzt bist, weil du zum Beispiel gestritten hast, dich selbst verurteilt hast, the oder helper. Andere fertig gemacht hast, dich selbst fertig gemacht hast, dem Teufel unbewusst oder bewusst gedient hast. Du brauchst den Heiligen Geist, um wieder zurück auf Christus zu schauen, wenn diese Sachen passieren. Combien de fois tu t'es mis comme les enfants de ce monde à te disputer, à faire des histoires comme ce monde, pas comme Jésus-Christ. Là, ça te fait voir que tu as vraiment besoin du Saint-Esprit pour rester dans le droit chemin. You know, I thought one save is save forever. Ich dachte früher immer, dass man einmal errettet ist, man für immer errettet. Moi, je pensais avant que une fois que tu as le salut, tu es sauvé pour toujours. But you know, in Luke 14, Jesus said, "Take up your cross and follow me daily." Every day, you take. Every day. Dass wir sollen täglich unser Kreuz auf uns nehmen. Mais en Luc 14, il est écrit qu'on doit chaque jour. C'est une décision qu'on doit prendre pour retenir le salut. Is somebody getting something? Praise the Lord. Darkness and light cannot work together. Dunkelheit und Licht können nicht zusammengehen. La lumière et l'obscurité ne peut pas marcher ensemble. Praise the Lord. Hallelujah. And that is why, you know, you learn to live in light. Das ist Christ. In dem Licht zu leben. Das ist Christus. C'est pour cela on doit apprendre à rester dans la lumière. You learn to be in the midst of God's children that even, you know, that that to know that I really got children. Wir lernen in der Mitte von Kindern Gottes zu sein, die wirklich Kinder Gottes sind. On doit vraiment apprendre à être parmi les enfants de Dieu qui sont vraiment sauvés, qui sont qui ont aussi leur salut en Jésus-Christ. You cannot be half-half. It's a matter of time. You are going to choose one side. Eine Frage der Zeit, du musst dich entscheiden. Tu peux pas être faire les histoires à demi, moitié, moitié, parce que c'est une question du temps et tu dois te décider un jour. You know, those people, there's a lot of them who believe that miracle passed away with the apostles. Und diese Menschen, die den Heiligen Geist verweigern, glauben auch, dass es keine Wunder mehr gibt. Les gens qui refusent le Saint-Esprit, eux, ils pensent aussi qu'il n'y a pas de miracle ces jours-ci. To be born again is a miracle. Wiedergeboren zu werden, c'est un wunder. Mais être né de nouveau, avoir son salut, c'est aussi un miracle. So miracle is still here today. Deswegen passieren Wunder immer noch. C'est pour cela qu'il y a toujours. Because people miracle. Have been saved. Weil Leute errettet werden. Parce que les gens sont en train d'avoir le Saint-Esprit. The Spirit of Christ is coming into the heart of man. Der Geist von Christus kommt immer noch in die Herzen der Menschen. L'esprit de Jésus-Christ vient toujours, entre toujours dans les cœurs des gens. Remember Luke 10. Lucas 10. Luke 10. Where Jesus said, your joy should be, your names are written in heaven. That's salvation. That's born again. Eure Freude soll sein, dass euer Name im Himmel geschrieben steht. Das ist errettet. That's miracle. That's supernatural. Il a écrit que notre joie, ça doit être qu'on est né de nouveau, qu'on a le salut, que notre nom est inscrit dans les livres du ciel. The spirit of Christ in the heart of man. Der Geist von Christus im Herzen der Menschen, ist nicht natürlich. Amen. L'esprit de Jésus-Christ dans le cœur de l'être humain, c'est surnaturel. Amen. C'est un miracle. What they call miracle, Jesus said, those things are not even the true miracle. Denn was diese Leute Wunder nennen, sind noch nicht die wahrhaftigen. Amen. C'est que les gens appellent miracle, ce ne sont même pas les vrais miracles que Jésus appelle lui-même miracle. The Holy Spirit is for both salvation and baptism. And baptism, not one. Der Heilige Geist ist für die Errettung und für die Taufe des Heiligen Geistes. Le Saint-Esprit est pour le salut et aussi pour le Saint-Esprit. You don't believe him in one and reject him in the other. Du glaubst nicht eine Sache, which means you are not following the true God. Tu ne peux pas accepter une chose et rejeter l'autre chose. Ça signifie que tu ne suis pas le vrai Dieu. Praise the Lord. Amen. Again, Paul told us who to run from. Paul hat uns gesagt, wo wir meinen sollen. Jésus-Christ, Paul nous a dit, nous a averti à qui éviter. He said, it is better you move with unbelievers than those that call themselves believers, but they never submit to Christ. Es ist besser mit Ungläubigen. For them is what they call the truth. Sich abzugeben, als mit Menschen abzugeben, die Wahrheit verweigern. Lui, Paul, il a dit que c'est même mieux d'être avec les gens qui ne croient, les païens, que être avec les gens qui s'appellent les enfants de Dieu, mais ils font pas la volonté de Dieu. They never believe Christ. Sie glauben nicht an Christus. Ils croient jamais à Jésus-Christ. If you go to John 6, verse 28 and 29. Wenn wir zu Johannes 6 gehen, 28 und 29. Si on lit Jean 6, 6. Yes, Jean 6, 28 à 29. They are Jesus. Which work are we going to do for the Father? Sie haben Jesus gefragt, welche Werke werden wir für den Vater tun? Ils ont demandé à Jésus-Christ, qu'est-ce qu'on va faire? Jesus a believed. Quel travail? Jésus a gesagt, glaubt mir einfach. Jésus-Christ a dit de seulement croire en lui. Et ça, c'est le seul travail qu'on doit faire. You know, it's not about even going out to preach. Because you can go out to preach and not even believe Jesus. Denn es geht nicht darum, draußen zu predigen. Du kannst auch draußen predigen, obwohl du nicht wiedergeboren wirst. Il s'agit même pas d'évangéliser, parce que tu peux partir dehors et évangéliser et ne pas croire. I don't know if we are able to go there, 28 and 29. 28 und 29. Verse 6, chapter 6. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The only walk his Father wants us to walk is to believe Christ. Das einzige Werk, was wir tun sollen, ist an Jesus Christus zu glauben. Le seul travail que Dieu veut qu'on puisse faire, c'est de croire en Jésus-Christ. Because it takes him to believe him. Denn es braucht ihn, um an ihn zu glauben. Parce qu'on a besoin de ça pour croire en lui. It takes the supernatural power to believe Jesus Christ. Es braucht die übernatürliche Kraft, um an Jesus Christus zu glauben. On a besoin de la puissance surnaturelle pour croire en Jésus-Christ. Flesh and blood cannot believe him. Denn Fleisch und Blut können nicht an ihn glauben. La chair et le sang naturel ne peuvent pas croire en Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. There is nobody that cannot preach Moses. Jeder kann Mose predigen. Il y a personne qui n'est pas capable de prêcher la parole de Moïse. There's nobody that cannot preach information. Jeder kann Formation predigen. Là, tout le monde peut prêcher l'information. You know, they might even know the Bible more than me. Sie kennen die Bibel besser als ich. You know what they are quoting? They don't even go there. Plus que moi. Praise the Lord. Amen. I'm not after quoting. I'm after believing Christ. Mir geht's nicht darum zu zitieren, sondern darum zu glauben. Et moi, je suis pas derrière citer la parole de Dieu. Je suis derrière Jésus-Christ. I thank him that it's not about what man call talent or you know clever. Ich danke Gott, dass das auch qualifiziert. Das geht, was diese Welt clever oder talentiert nennt. Amen. Et moi, je suis vraiment, je remercie Dieu parce qu'il ne s'agit pas de ce que ce monde appelle talent ou ce que la langue sait faire. Amen. Amen. You know, the three wise men, they went to worship a baby. That will tell you that it's not about that. It's not about what man see. It's about the spirit. Haben das Baby angebetet, weil es nicht um das geht, was der Mensch sieht, sondern das, was Christus sagt. Et trois mages, eux, ils sont partis pour adorer un enfant, un petit enfant, parce qu'ils ont vu déjà la grandeur de cet enfant, l'esprit de cet enfant. Ils n'ont pas vu. You know, in the satanic world, they believe that, they know that it's not about the outside. And that's why, you know, in Africa, commission, you know, when they are going to witch doctors, they don't even go to palace. They know that they are not there. They even, if you are in palace, they don't even believe you. They live in the bush. They, if you look at where they, because they know that it's not about what you see, it's about what you cannot see. The people going there to meet them. Daher wissen das Leute. Right. Und deswegen, wenn Menschen dort zu Satanisten gehen beispielsweise, suchen sie sich nicht den Satanisten aus, der auf der saubersten Straße wohnt oder der im Neubaugebiet wohnt, sondern die gehen dann dahin, wo ins Gebüsch, wo diese Leute sind, weil diese Leute sind dann im Busch und haben fast nichts, aber die wissen das, ey, deren Kraft ist nicht an deren äußerlichen Umgebung zu messen, sondern deren Kraft ist geistlich. Même au Nigeria, quand les gens sont en train de chercher les satanistes et des sorciers, ils savent où les trouver. Ils ne vont pas les chercher dans un bâtiment de luxe. Ils vont chercher dans un coin vraiment sale parce qu'ils savent que leur puissance, ce n'est pas l'extérieur. Leur puissance est intérieure. Mais le Western world, ils ont un problème avec le spiritual world. En fait, pour eux, c'est all about, you know. Once you, maybe I don't even know if they believe, or they might even believe, you know. For them to say, to mention Jesus Christ, to mention church, should not be about outside at all. But for them, it's about outside. Und, I don't know. Are you getting it? Gemeinde und Jesus Christus sind geistliche Sachen, aber für diese Menschen, besonders in der westlichen Welt, sind das oberflächliche Sachen, sind das fleischliche Sachen, die sie messen. Why Jesus? Jesus did not visit university. Mais le problème est que le monde occidental ici, eux, ils voient toujours la chair, ils voient jamais l'esprit. Eux, ils sont vraiment concentrés à voir les qualités de la personne, ce qu'ils ont fait, s'ils ont eu leur bac ou pas, ou leur éducation. Ils n'essayent pas de voir l'esprit derrière les actions et de. What about Peter? Was mit Petrus? Peter was a man. War auch ungelernt. Et Pierre, par exemple. Amen. Even Paul that was educated. Auch Paulus, Petrus, non, là. Pierre, ok. Pierre, par exemple, lui, il n'était pas parti à l'école, il n'était pas éduqué. Even Paul that was educated, he said, I have to drop all so that to be able to know him. Und auch Paulus, der selbst gesagt, ich muss alles hinter mich lassen, um ihn zu erkennen. Et même lui, il a dit qu'il a, il doit tout laisser derrière lui pour suivre Jésus-Christ. Il a dû même laisser son éducation. Let me leave that. Praise the Lord. Hallelujah. You know, in Matthew 16, verse 13 to 19. Jesus said that the message should be revelation and not information. Er sagt Jesus, dass die Botschaft Offenbarung sein soll, nicht Information. If you go there, Matthieu 16, Jésus-Christ a dit que le message, ça doit être une révélation et pas une information. Who do men think I am or say I am? Für wen halten mich die Menschen? Qu'est-ce que les gens pensent que je suis? What about you, my disciples? Who do you say I am? Et vous, mes disciples, qu'est-ce que vous pensez? Qui suis-je? The answer was through revelation. Et la réponse était amen. Et la réponse était venue à travers la révélation et pas à travers une information. Praise the Lord. The word of God without the Holy Spirit is nothing. That's what God is only hiding guys, isn't it? La parole de Dieu sans le Saint-Esprit, ce n'est rien. If you look at churches today, they are full of the word of God, but nothing. They're not being backed by the Holy Spirit. Aber werden nicht unterstützt vom Heiligen Geist. Si tu regardes les églises aujourd'hui, ils sont pleins de formations, mais ils ne prêchent pas à travers le Saint-Esprit. They are full of the flesh. They are full of Moses and not Christ. Sie sind voll vom Fleisch, voll von Mose, aber nicht voll von Christus. Ils sont pleins de la chair, pleins de Moïse et pas pleins de Jésus-Christ. Reading the word of God without the Holy Spirit profits you nothing. Das Wort Gottes lesen ohne den Heiligen Geist bringt dir nichts. La parole de Jésus de Dieu, lire la parole de Dieu sans le Saint-Esprit, ça te sert à rien. Example, the religious teachers. Beispielsweise Religionslehrer. Par exemple, they read the Bible. They without the power of the Holy Spirit. Somebody gets something. Eux, ils lisent la Bible, mais sans la puissance du Saint-Esprit. They teach the Bibles, you know, the Bible in the school. Sie lehren die Bibel in der Schule. If you guys look at it, it profit them nothing. Was bringt ihnen nichts? Mais ça if somebody gets something here. Amen. Amen. Amen. Reading the Bible without the power of the Holy Spirit profits you nothing. Das Wort Gottes lesen ohne die Kraft des Heiligen Geistes bringt dir nichts. Lire la parole de Dieu sans la puissance du Saint-Esprit, ça ne te sert à rien. Example, religious teachers. Beispielsweise religiöse. Par exemple, les pasteurs religieux. The Lord said it takes the supernatural power to understand his children. Der Herr sagt, es braucht die übernatürliche Kraft, um seine Kinder zu verstehen. Dieu dit qu'on a besoin de la puissance surnaturelle pour comprendre la parole de Dieu. For people to understand you and me, it's supernatural power. On a vraiment besoin de la puissance surnaturelle pour le comprendre. You know, in our side, it is supernatural power to believe, to understand, you know. Because you know you have never seen God. It was God and that you believe in. Aber du glaubst an ihn. Parce que nous on n'a jamais vu Dieu mais on le croit. If I see how you bless the ministry, wenn you ich bless sehe, Christ. Wie Christus segnet, wie die Gemeinde segnet. Même quand vous bénissez l'église, vous bénissez Jésus-Christ. Like you know, like this second, like what Paul said in 2 Corinthians. He said out of their deep poverty they were still there. Aus ihrer tiefen Armut haben sie dann auch gegeben. Même Paul disait même dans l'église à Corinthe, eux par exemple, ils n'avaient rien, mais ils continuaient à bénir l'église. What you have is not even enough for you to do what you want to do, but you allow Christ to be number one. Aber du lässt zu, that is not natural, that is supernatural. C'est natürlich, das übernatürlich. Is somebody getting it? C'est que tu as, ce n'est même pas assez pour toi pour vivre ta propre vie, mais toi tu continues à bénir l'église. To understand his children's choice. Die Wahl seiner Kinder zu verstehen. Pour comprendre le choix de ses enfants. He said no flesh can understand it. Amen. Das kann das Fleisch nicht verstehen. La chair ne peut pas le comprendre. That's why somebody will ask, why you are in there? Deswegen wird dich jemand fragen, c'est pour cela les gens vont te demander si tu dois de l'argent à l'église. He said, until you are full in Christ's word, you cannot understand it. Yes, it's only when you are there with them you can understand what it is. Vom Heiligen Geist kannst du es verstehen. Seulement à travers le Saint-Esprit, là tu es capable de le comprendre. He said, if you are not there with them, if you are not within Christ with them, you will have problem with them. Wenn du nicht in Christus bist, wirst du ein Problem haben mit diesen Leuten. Si tu n'es pas en Jésus-Christ avec ces gens-là, tu auras un problème avec eux. You know in Matthew 18, verse 1 to 3, Jesus talks about the little children. Matthäus 18 redet über die kleinen Kinder. Matthieu 18, Jésus-Christ a parlé des petits-enfants. Let's go there, let us go there, please. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Matthew 18. Matthäus 18. Matthieu 18. 1 to 3. 1 bis 3. 1 à 3. It said at the same time came the disciples unto Jesus, saying, who is the greatest in the kingdom of heaven? And Jesus called a little child. He called a little child unto him and set him in the midst of them. And that little child is you. Jésus-Christ a appelé un petit enfant et ses petits enfants. That's why people cannot even understand you. Amen. Et c'est pour cela que les gens ne peuvent pas te comprendre. Le naturel, la chair. If you go and tell them what you do, they will tell you you are mad. Si tu leur expliques ce que tu fais pour la maison de Dieu, ils vont penser que tu es fou, tu es folle. And he said, verily I say unto you, except you be converted and become as little children, you shall not enter into the kingdom of heaven. To go inside. Pour entrer dans le royaume des cieux, tu dois être comme un enfant, un petit enfant. Here he is saying that churchgoers cannot even understand you. Except you are fully there. Là, il nous explique que même les gens religieux ne peuvent pas comprendre cet effet. Sauf si tu y vis dedans. You know, those that are of the flesh cannot understand you. Die vom Fleisch können dich verstehen. Les gens qui vivent dans la chair ne peuvent pas te comprendre. Praise the Lord. That's why they have problem with our choice. Deswegen haben sie ein Problem mit unserer Wahl. C'est pour cela ils ont un problème avec nos choix. To be of Christ. To be full of him. Full von Christus zu sein. D'être en Jésus-Christ, plein de Jésus-Christ. To be of the supernatural world of Christ. It's no joke. So, übernatürliche Welt von Christus zu gehören ist kein Witz. D'appartenir au monde surnaturel de Jésus-Christ, c'est pas une. In all sides, it's no joke. In all sides. Auf jeder Ebene. You know your parents that you are living, the natural parents. Your friends, the natural friends. The world that you are no longer part of them. It's no joke. You know that. It's no joke. Even you yourself. Is somebody getting it? Für eine ganze Umgebung, für dich selbst. Ist das eine ernste Sache? C'est une chose très vraiment sérieuse pour toi et pour tes parents et pour tout le monde. In all sides, it is a big deal to be born of God. C'est une grosse sache wiedergeboren zu sein. C'est une grosse chose d'être né de nouveau. Because you are going to be in this world, but not of this world. Du bist auch in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Parce que tu seras dans ce monde, mais tu seras pas de ce monde. Because you are not even they are not going to understand you any longer. Sie werden dich nicht mehr verstehen. Ils vont pas te comprendre. It's as if you are confusing them. Ils vont avoir une. Because they believe they know you before. Denn sie glauben. But now they cannot understand. Aber sie verstehen dich jetzt nicht. Parce que ils pensaient qu'ils te connaissaient, mais maintenant ils te comprennent même pas. Because it means you are dead to the world. Weil du tot bist für die Welt. Parce que pour le monde tu es mort. You are dead to the flesh. Tot zum Fleisch. Tu es mort pour la chair. You are dead to the natural family. Tot zur natürlichen Familie. Tu es mort pour. Dead to the natural friends. Tot zu den natürlichen Freunden. Is somebody getting something? Dead to all. Amen. That's what Jesus said. Das sagt Jesus. That's why he said you have to hate all. Deswegen sagt er, wir sollen alles hassen. C'est pour cela qu'il dit, on doit détester tout. On doit vraiment haïr tout. To be full of Christ means you are dead to your natural family, except if they belong to Christ. Voll von Christus zu sein, heißt auch tot zur natürlichen Familie zu sein. Être en Jésus-Christ, ça signifie que tu es mort aussi pour ta famille naturelle, sauf si eux, ils appartiennent aussi à Jésus-Christ. If they keep on refusing, rejecting Christ, rejecting the truth, you are dead to them. Wenn sie weiterhin die Wahrheit verweigern, bist du tot für sie. S'ils continuent à rejeter la vérité, là, tu es aussi mort pour eux. To be fully there, you cannot be both. You cannot be part of them and be part of it. Du kannst nicht Teil von seinem Reich sein und ihrem. Parce que tu ne peux pas appartenir, être, faire partir du royaume des cieux et du royaume de ce monde. Peter said we left all. Petrus hat gesagt, wir haben alles verlassen. Et lui, il a dit, il a tout laissé. laissé. On a tout abandonné. You know, just like you are dead to sin. Là, tu es tout sin zu Sünde. Vraiment comme tu es mort pour la pour le péché. So also you are dead to the world, to the natural family. That reject Christ, that ignore Christ. Amen. Et c'est comme ça aussi, tu es mort pour ta, la famille naturelle, pour le monde naturel. Because you are no longer the one they know before. Parce que tu n'es plus l'ancienne personne que le monde. The old died with Christ. Amen. Go to Romans 6. L'ancien est mort avec Christ. Praise the Lord. Your co-workers, they cannot get it. I know this. Why do you also know this? Tes collègues ne peuvent pas te comprendre. You know Jesus, they talk the new Jesus. Then the carpenter. Die Leute, die you really know Jesus, him. Aber kennst du Jesus wirklich? If you know him, you will worship him. Denn wenn du ihn wirklich kennst, wirst du ihn anbeten. Si tu le connaissais vraiment, tu vas lui adorer. Praise the Lord. Hallelujah. Romans 6. Romans 6. We start from, quickly start, okay, just one and two. Let's read one and two because one, see here we can quickly cover before we close. He said, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein? Praise the Lord. Hallelujah. We are dead to them, so that is why we are not one with them. Wir sind tot für sie, deswegen finde ich mal eins mit ihnen. Nous sommes plus une personne avec eux parce que pour eux, nous sommes morts. La chair est morte. If you read from verse 3, verset 3, you know, here it's revealed to you how the old man, the old, died and you are now of the new. Please read it. Let it be your homework. Amen. That's Romans 6. Read it. Weil hier sehen wir, dass wir wirklich gestorben sind für unser altes Leben und jetzt neu und jetzt leben für Christus. Romans 6, on doit lire à la maison parce que on doit comprendre qu'on est mort, la chair, l'ancien est mort, qu'on a une nouvelle personnalité. C'est juste. We are dead to sin, dead to the flesh, dead to the natural family. Tot für die Sünde. Dead to the natural friend. Tot zu dem Fleisch, tot zu der natürlichen Umwelt. On est vraiment mort pour la chair, pour nos familles, seulement pour le surnaturel, pour l'esprit. On vit seulement avec l'esprit de Jésus. Even here in verse 2, it talks about, it says, we cannot serve God, Christ and Mammon. We cannot be in both sides. Du kannst nicht dem, du kannst nicht Gott und Mammon. Look at it, verse 2 again. It says, God forbid, how shall we that are dead to sin live any longer therein? You cannot be dead to sin and still be living there. Du kannst nicht tot sein zur Sünde und immer noch da leben. Tu peux pas mourir pour le péché et toujours rester dans le péché. Praise the Lord. Alleluia. John 1, 12 and 13 said we are born of God. In Johannes 1, 12 und 13 steht, dass wir geboren sind aus Gott. Jean 1, il est écrit qu'on est, on est né de Dieu. You are either born of the true God or you are born of Satan. Entweder geboren aus dem richtigen Gott oder geboren vom Teufel. On est né de Dieu ou on est né du diable. On doit se décider. Amen. Amen. You are born of God. Geboren aus Gott. John 1, 12 and 13. Amen. Être né de Dieu. You know, my daughter Jennifer went to see the mother. Meine Tochter Jennifer hat sich mit ihrer Mutter getroffen. Some days ago. Amen. Jennifer, elle est partie voir sa mère. And before her coming home, back, you see, coming back here, we spoke together. Then the Lord started giving me this message. Hat der Herr mir angefangen, eine Botschaft zu geben. Avant que je puisse rentrer à la maison, Dieu a commencé à me donner ce... He said, have I ever thought of how the natural people, the natural family, how they feel, or what they see, or what they say about us? Habe ich schon mal darüber nachgedacht, was die natürliche Familie über uns denkt, wenn wir uns für Jesus Christus entscheiden? Qu'est-ce que notre famille naturelle pense de nous quand on s'est décidé de partir vers Jésus-Christ? What they will say about our world? Remember our world. We are of another world. Was sie über uns denken? We are in this world, but of another world. Wir sind auf dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Amen. Ils pensent de notre monde. How they think about us? Wie sie über uns nachdenken? Qu'est-ce qu'ils pensent de nous? How they feel about it? Wie sie damit umgehen. Leurs sentiments à travers. And how hard it is for them to let go. Und wie schwer es für sie ist, loszulassen. Et que c'est difficile pour eux de nous laisser partir vers Jésus-Christ. You know, we have always cancel the message. Or the messages upon messages. How to let go the world. The flesh. Die Family of the flesh and friends. Die fleischige Familie und fleischige Freunde, wie wir das loslassen. J'ai toujours prêché de comment laisser l'ancien partir, notre famille charnelle. You know, just like Peter said in Mark 10, that he said we left all. Genauso wie Petrus sagt, er hat alles verlassen. Sie haben alles verlassen. Comme Pierre a dit, il a, on a tout laissé. Because coming to Christ, it must be all gone. Denn wenn wir zu Christus kommen, lassen wir alles zurück. Parce que quand on vient vers Jésus-Christ, on laisse tout derrière nous. Again, Luke 14. Lucas 14. He said you have to hate all. Puis wir sollen alles hassen. On doit vraiment haïr tout. And the Lord started speaking to me. How they cannot even understand us. They cannot understand you. Dass sie uns nicht verstehen können. Et Dieu m'a commencé à m'expliquer comment ils peuvent pas nous comprendre. You know, Abraham and all others, Paul, Peter, John, James, just name them. They did not, you know, they did not fall from heaven. Diese ganzen Leute in der Bibel, from the sky. Paul, they were all born by people nicht, also. Like you and me. Are you getting it? Tous les grands de la Bible, eux, ils sont aussi nés par une personne. Ils sont pas juste tombés du ciel. They were all born by natural parents. Sie wurden alle durch natürliche Eltern geboren. Just like you Sie and me. They have natural family. They have natural friends. Ils ont aussi une famille naturelle, charnelle. Let me quickly explain here a little thing here concerning you and me. Amen. Amen. Before I go further. Our relationship with one another is not natural, it's supernatural. Unsere Beziehung zueinander ist nicht natürlich, sondern übernatürlich. Notre relation l'un vers l'autre, c'est surnaturel, c'est pas naturel. The relationship you have with God's children is not natural, it's a supernatural relationship. Die Beziehung, die du zu Kindern Gottes hast, ist nicht natürlich, sondern übernatürlich. La relation qu'on a avec les vrais enfants de Dieu, c'est surnaturel, c'est pas naturel. We are not natural family. We are supernatural family. Nous sommes une famille surnaturelle. We are not brothers. We are not natural brothers and sisters. We are supernatural brothers and sisters. Wir sind nicht natürliche Geschwister, sondern übernatürliche Geschwister. Nous ne sommes pas des frères et sœurs naturels. Nous sommes des frères et sœurs surnaturels. If you go to 1 Timothy 5:1-2, there Paul told us how to relate to one another. Wenn wir jetzt zu Brothers and sisters 1. Timotheus gehen, sehen wir, wie Paulus uns sagt, wie wir mit uns, wie wir zueinander stehen sollen. Si on lit 1 Timothée, si on lit 1 Timothée 5, on va lire, on va Praise voir pour, comment Paul nous explique comment être, comment vivre en Jésus-Christ l'un vers l'autre. 1 Timothée 5. It says, rebuke not an elder. But entreat him as a father. Are you getting something here? Amen. Amen. And the younger men as brethren, brothers. Amen. The elder women as mothers, and younger as sisters, with all purity. Praise the Lord. Hallelujah. Ne redouez pas un homme âgé, mais encourage. Encourage-le comme s'il était ton père. Traite de la même manière les jeunes gens comme des frères. Les femmes âgées comme des mères, les plus jeunes comme des sœurs, en toute priorité. Here Paul is saying we are family, we are brothers and sisters, we are mother and daughter, we are sons and father. We are supernatural family. Amen. Paul sagt hier, dass wir Familie sind, aber übernatürliche Familie. Paul dit ici que nous sommes une famille, mais une famille surnaturelle. Remember what super means. Super. Super means greater. Größer. Greater than the natural. Rappelle-toi ce que ça signifie surnaturel. Ça signifie plus mieux que, c'est mieux que le naturel. Praise the Lord. Alleluia. You know, Jesus called us his friends. Jesus sent uns seine Freunde. Jésus-Christ nous a appelé ses amis. We are friends. Wir sind Freunde. Nous sommes ses amis. We're supernatural friends. Wir sind übernatürliche Freunde. Nous sommes ses amis surnaturels. You know, the friends of this world, they deceive one another. Die Freunde dieser Welt betrügen sich gegenseitig. Les amis de ce monde, eux, ils se décevoient l'un l'autre. For them, if you love me, I love you. If you hate me, I hate you. ihre Liebe, but not that of Christ. Ist bedingt, aber nicht die von Christus. Pour eux, si tu m'aimes, moi aussi je t'aime. Si tu me détestes, je t'aime. Mais selon Jésus-Christ, ça, c'est vraiment, c'est, ça n'a pas de limite. We are not natural friends. We are supernatural friends. Wir sind nicht natürliche Freunde, sondern übernatürliche Freunde. Wir sind pas des amis naturels, wir sind des amis surnaturels. Because our relationship with one another is based on Christ's blood. Weil unsere Beziehung zueinander basiert auf dem Blut von Jesus Christus. God's blood. Notre relation l'un vers l'autre c'est basé à travers le sang de Jésus Christ. Which is more greater than man's blood. Was größer ist als das Blut der Menschen. Et c'est mieux, c'est bien, c'est plus. Our parents' blood. C'est plus bien que le sang naturel. Our relationship with one another is not based on the flesh, but on the spirit. Beziehung zueinander basiert nicht auf dem Fleisch, sondern auf dem Geist. Notre relation l'un vers l'autre c'est basé à travers l'esprit. Back to Abraham and others. Amen. If you go to Genesis 11. Wenn wir zu 1. Mose 11 gehen. Si on lit Genèse 1. You read from 29. And see that you know that we help you to know that Abraham did not even fall from the sky. Was having a Là, on voit même Abraham, il n'est pas descendu du ciel. Let's go to famille. We will read that of Genesis 12. Amen. On va lire Genèse 12. Genèse 12. Praise the Lord. Alléluia. Genesis 12. Look at verse 1. Just verse 1. Genèse 12, 1. If I first of all mentioned that of 11, Genesis 11. If you read it from verse 29, I see Abraham and the family. Amen. Mm-hmm. On commence à Genèse 11:29. Amen. Mm-hmm. You can also read it yourself as you have time. Amen. Lisez ça à la maison comme vous avez. In verse 30, said Sarah was barren; she had no child. Amen. Mm-hmm. Then, now let's go to chapter 12 and verse 1 of Genesis. 1 Mose 12, verse 1. It said, now the Lord hath said unto Abram, get thee out of your country, and from your kindred, and from your father's house. So what you are doing today is not different from what Abraham did. I see somebody getting something. L'Éternel dit à Abraham, va quitter ton pays, ta famille et ta maison. De ton père pour te tendre dans le pays que je t'ai. Ah, is somebody getting something? Ce que tu fais, c'est pas différent de ce que Jésus Christ, que Abraham faisait ici. Praise the Lord. Get thee out of your country and from your kindred and from your father's house unto a land that I will show thee. Praise the Lord. Hallelujah. If you all look up, let's go to Luke. 14. Go to Luke 14. Luc 14. On y va là-bas. Jesus said the same thing that, you know, that God said to Abraham. He said it to us also in Luke 14. Luc 14. Il a dit la même chose ici. Praise the Lord. Hallelujah. Luke 14 from verse 25. Luke 14:25. And there went great multitudes with him, and he turned and said unto them, Amen. Mm-hmm. Verse 26. If any man come to me and hate not his father and mother, you know, he told Abraham, leave everything, leave the father, leave the mother. And go to a place that I will show you. The same thing Jesus is saying here. Das ist das, was Jesus uns auch hier sagt. Il a dit à Abraham de laisser tout, de tout laisser, et c'est la même chose qu'il a dit à Luc. Das sind wir nicht anders. Et c'est pour cela qu'on n'est pas différent d'Abraham. If any man come to me and hate not his father, mother, and wife, and children, you can see the natural, you can see the flesh. And brethren and sisters, and yea, his own life also, he cannot be my disciple. Mm-hmm. Ici, il est en train de citer la famille, la chair. And whosoever doth not bear his cross and come after me cannot be my disciple. Amen. Mm-hmm. For which of you intend to build a tower, sitteth not down first and counted the cost, whether it's telling us to prepare our heart. Er sagt uns, dass wir unser Herz vorbereiten sollen. Ici, il nous fait voir, il nous fait comprendre qu'on doit préparer notre cœur. You know, as you keep on choosing Christ, people are going to reject you. Weiterhin Christus wählen, werden sie euch verweigern. Si on continue à choisir Jésus-Christ, les gens vont commencer à nous rejeter. You prepare your heart. Wir bereiten unser Herz vor. To keep on choosing Jesus. Amen. Weiterhin für Jesus zu entscheiden. On doit préparer notre cœur à toujours choisir Jésus-Christ. Things might even go harder for you. Vielleicht werden die Dinge sogar schwieriger. Les choses vont devenir un peu plus difficiles. Amen. Things might go harder. You know, you cannot compare it to hell. Aber es wird nicht die Hölle sein. Les histoires vont devenir difficiles, mais tu ne peux pas le comparer. For somebody to go to hell, you cannot compare it. Like, you know, is it not Romans 8? L'enfer. Romans 8 said, the suffering of now, you cannot compare it to hell. Whatever you believe, you are suffering now. That's what Romans 8 said. Kann man nicht mit Amen. Der Höllenqual vergleichen. En Romains 8, il est écrit que c'est qu'on voit ici, ce qui est difficile ici, on ne peut jamais le comparer avec l'enfer. Because if you choose Jesus, people are going to hate you. He said it, he said they hate me, they will hate you. Wird man dich auch hassen. Parce que si tu continues à choisir Jésus-Christ, le monde va commencer à te détester. Il a dit ça aussi à la vie. And it might be suffering, but the suffering of now, you cannot compare it to going to hell. Was Romans 8. Don't have time to go there. Amen. Praise the Lord. Qu'on va avoir ici parce qu'on a choisi Jésus-Christ, ça sera rien par rapport au. And if you did continue, amen. À l'enfer. For which of you intend to build a tower, seated not down first, and counted the cost, whether he is able to finish it. Lives happily after he had laid the foundation and is not able to finish it. All that he behold is begin to mock him, saying, this man began to build and was not able to finish. Amen. They say, you no longer say about Jesus. Du sagst gar nichts mehr über Jesus. Your life is on nobody at all. Das Licht ist an, aber nicht zu Hause. Before this time, you always say Jesus, Jesus. Vorher hast du immer bei Jesus gesprochen. Avant, tu parlais toujours de Jesus. Are you joining us or what? Bist du jetzt ein Teil von uns? Maintenant, tu deviens un de nous. Praise the Lord. Hallelujah. Because Satan, we want to shut your mouth. Weil der Teufel will deinen Mund schließen. Christ. Parce que le diable veut que tu ne puisses plus rien dire concernant Jésus-Christ. Then in verse 31, said, on what king? Verset 31. Going to make war against another king. Seated down, not down first. And consulted whether he be able with 10,000 to meet him that cometh against him with 20,000. Else, while the other is yet a great way off, he seated an ambassador and desired conditions of peace. So likewise, whosoever he be of you that forsake not all that he had, he cannot be my disciple. Is somebody getting it? Amen. He's coming. He said, forsake all. Not some. The problem is we leave some. We are still with some. Il a dit de tout rejeter. And those things you are still with, they will take you away from him. Das Problem ist, dass wir nicht allem entsagen und diese einen Sachen, die wir immer noch versuchen zu behalten, werden uns zum Fängnis. Il nous dit de rejeter tout et de ne pas laisser une personne ou notre problème et que on veut toujours laisser une chose charnelle pour nous et ça c'est notre problème. So, so likewise, whosoever he be of you that forsake not all that he had, he cannot be my disciples. Il en est de même pour vous. Celui qui n'est pas prêt à abandonner tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. You know, you can be salt today and tomorrow you lose your taste. Du kannst heute salz sein und morgen verlierst du einen Geschmack. Tu peux être le sel aujourd'hui et demain tu n'as plus, tu n'es plus salé. Talking about salvation now, amen. Et là, il parle du salut. He says salt is good, but if the salt have lost its savour. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, ist es nutzlos. Le sel est une bonne chose, mais s'il devient insipide, comment lui rendra-t-on sa valeur, sa saveur, pardon? If you are salt, you remain. You know, that taste should not leave. The taste for Christ, of Christ. Wenn du, for Christ and of Christ. Christ if somebody gets in it. Si tu as le sel de Jésus-Christ, donc ça veut dire que c'est mieux que ta saveur ne puisse plus pas partir. Retenir cette salt is good, but if the salt have lost its savour, where we shall it be seasoned? It is neither fit for the land, nor yet for the. That's why until you give up, it's not finished. You know, your brothers and sisters, they will. It's a must. They must be saved. Deswegen, wenn wir nicht aufgeben, dann werden sie auch errettet werden. Wir dürfen einfach nicht aufgeben. But that don't allow that salt to not become saltless. C'est pour cela on doit toujours, keep on ne doit pas abandonner. On ne doit pas abandonner parce que si on abandonne, il ne sera plus sauvé. Don't allow that salt to be to you know the taste to go. Lass nicht zu, dass dieser Geschmack geht. To become saltless. Das ist tasteless. Damit der Geschmack weg ist. Praise the Lord. Parce que si tu abandonnes, ça signifie que le sel n'a plus sa saveur. Amen. Amen. The Lord said to me, he said, I should imagine if Abraham was having mother, father, brothers and sister, cousin, you know, auntie and friends, and God took him out of them. How are they going to feel? For example, I know he was having them. Amen. Mm-hmm. And you know, imagine how those people there. You know, we know how people are related to one another. Der hat mir gesagt, dass stell dir vor, dass Abraham all diese Familienmitglieder hat, Mütter, Väter, Geschwister, Tanten, Cousins, und der Herr sagt ihm, er soll da rauskommen. Wie hätte er sich gefühlt oder wie haben sich seine Familienmitglieder gefühlt? Dieu m'a dit, rappelle-toi d'Abraham, quand Dieu lui avait dit de laisser toute sa famille, comment est-ce qu'il s'est senti? He said, how will the family think of him, Christ Jesus? Wie wird die Familie über Jesus Christus denken? Or see him? Oder ihn sehen? Comment sa famille a pensé de lui? He said, they cannot understand. Sie können sich verstehen. They cannot understand his love. Sie können seine Liebe nicht verstehen. Ils ne peuvent pas comprendre sa manière de d'aimer. Amen. They might try to accept it, but they might try to accept it by force, but they cannot understand anything. Sie können versuchen es zu akzeptieren, zwangsweise, aber sie werden es nicht verstehen können. Ils vont essayer de comprendre, mais ils vont pas comprendre parce que c'est surnaturel. You know why? Because they are not of Christ. If they are of Christ, they will understand immediately. Sie können es nur verstehen, wenn sie von Christus sind. Ils peuvent seulement le comprendre s'ils sont en Jésus Christ. Amen. Amen. Like John 8, verse 47 said, he that is of God heareth God's voice. Johannes 8, 47 sagt, dass wer von Gott ist, hört Gottes Stimme. Praise the Lord. He that is of Christ heareth. You know how to hear the voice of Christ. That is what Jesus just said. You know, yesterday we talked about hearing the voice. Darüber haben wir gestern auch gesprochen, die Stimme Gottes hören. Hier, on a parlé de écouter la voix de Jésus Christ. 47. He that is of God, heareth God's word. What is 8:47? 47. What is that? John 8. John 8. Jean 8. Is it not? 47. Or something else. It's John 8, 47. On va lire Jean 8, 47. He that is of God heareth God's words. Ye therefore hear not, because you are not of God. Amen. Amen. You know, yesterday Bible study. We learned about, you know, hearing Christ's voice. And we also talked about self-salvation. Hier, on a parlé concernant écouter la voix de Jésus-Christ. Please, I hope it was recorded so that others will listen to it. Please go there and listen. Amen. I will quickly add to this, to that of the voice, hearing the voice of Christ. Les chemins font Christus hein. On va encore parler de écouter la voix de Jésus-Christ. The Lord said it takes maturity to hear his voice. Il a gesagt, es braucht Reife, um seine Stimme zu hören. Dieu a dit qu'on doit être mature pour écouter sa voix. Are you getting something? Mm. He said it takes maturity to hear Christ's voice, to hear his voice. Es braucht Reife, die Stimme von Christus zu hören. On doit être mature pour écouter la voix de Jésus-Christ. It takes total submission to hear the voice of Christ. Es braucht vollkommen Hingabe. To continue to hear it. It has to be about Christ alone. Es muss dir komplett um Christus gehen. Donc notre vie doit toujours tourner au rond, tout autour de Jésus-Christ. The Holy Spirit is going to speak for Christ's sake. And not for Christ. Parce que le Saint-Esprit va toujours parler s'il s'agit de Jésus-Christ et pas pour, s'il s'agit de ta chair. Until your heart is in his kingdom, you cannot hear his voice. Es wenn dein Herz in deinem Königreich ist, kannst du seine Stimme hören. Tu peux seulement écouter la voix de Jésus-Christ si ton cœur est dans son royaume. Remember Jesus said where your treasure is, your heart will be there. He wants your heart to be in his kingdom. Er möchte, dass dein Herz in seinem Königreich ist. Dieu, il veut que ton cœur puisse être dans son royaume. Until Christ's kingdom is all you value. Your motive of doing anything is about him and his kingdom. Your desire, is it not too long? Okay, let me just say it one after the other. Until Christ's kingdom is all you value. Erst wenn Christus das Königreich von Christus alles ist, was du wertschätzt. Si le royaume des cieux est toute ta concentration, par exemple. Your motive of doing anything is about him and his kingdom. Dein Motiv immer nur wegen ihm ist und seinem Königreich. Ton motif pour faire quelque chose, il s'agit que de Jésus-Christ et son royaume. And your desire is him alone. Und dein Wunsch ist er allein. Que lui devient ton désir. You cannot hear his voice. Dass du seine Stimme nicht hören. Là seulement, c'est seulement là que tu peux écouter la voix de Jésus. Because the flesh also speak. Das Fleisch spricht auch. Parce que la chair aussi parle. Things are going to speak to you. Dinge werden zu dir sprechen. Il y aura des histoires qui vont situation parler. Are going to speak to you. Situation des situations qui vont te parler. No money is going to speak to you. Dass du kein Geld hast, Armut wird zu dir sprechen. Que tu n'aies pas d'argent. They va commencer à te parler. Pain is going to speak. Schmerzen werden zu dir sprechen. Il y aura des malaises qui vont te parler. Just like tree spoke to Jesus. Genauso wie der Feigenbaum zu Jesus gesprochen hat. Comme cet arbre-là a parlé à Jésus-Christ. And Jesus replied the tree. Und Jesus hat dem Baum geantwortet. Et Dieu a répondu. Praise the Lord. Halleluja. It takes nothing to hear the voice of the flesh. Es braucht nichts, um das die Stimme des Fleisches zu hören. Pour écouter la voix de la chair, c'est vraiment simple. Tu n'as besoin de rien faire. Die Stimme ist immer da. But it takes a lot to hear the voice of Christ. Es braucht vieles, um die Stimme von Christus zu hören. Mais pour écouter la voix de Jésus-Christ, là, tu dois vraiment être en Jésus-Christ. Tu dois faire un travail de concentration, être focusé. Praise the Lord. Amen. It is only those that are born of Christ, like you, that can understand you. Nur die von Christus geboren sind, können dich verstehen. Seulement ceux qui sont aussi nés de Jésus-Christ, seulement eux qui peuvent te comprendre. Have you ever thought of Mary and Joseph? Habt ihr schon mal über Marie und Joseph nachgedacht? Est-ce que tu as déjà pensé de Marie et Joseph? You know, Mary became pregnant of Jesus. Marie wurde schwanger mit Jesus. Marie était enceinte de Jésus-Christ. An angel in Matthew 1, verse 18 to 25. The angel have to now, and the Gabriel have to go to Joseph to reveal it to Joseph. Und Engel Gabriel musste zu Joseph gehen und musste ihm auch zu. Et l'ange Gabriel a dû partir aussi chez Joseph pour lui révéler cette nouvelle. You know, the Lord have to help you to believe him. Der Herr muss dir helfen, ihm zu glauben, sonst wirst du nicht. Somebody you are going to marry is already pregnant. Dieu a dû l'aider à le croire. Praise the Lord. Let's go there, please. Let's go there. Let me see the time. Okay. Amen. Let's go there, please. That's Matthew 1. Matthew 1. Praise the Lord. Matthew 1. Amen. Matthew 1 from verse 18. Matthew 1:18. It said, now the birth of Jesus Christ was on this wise. When as his mother Mary was exposed to Joseph, before they came together, she was found with a child of the Holy Ghost. A child of the Holy Ghost. Amen. Amen. Then Joseph, her husband, being a just man, and not willing to make her a public example, was minded to put her away privily. Amen. Verse 20. But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, O Joseph, thou son of David, fear not to take Mary, to take unto thee Mary, your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Now all this was done that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying, behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. Amen. Amen. Then in verse 24, then Joseph, being raised from sleep, did as the angel of the Lord has bidden him, and took unto him his wife, and knew her not till she had brought forth her firstborn son, and he called his name Jesus. Praise the Lord. He said he knew her not. Er hat sie nicht erkannt bis dahin. Amen. They did not sleep together until that child was born. Sie haben nicht miteinander geschlafen, bis dieses Kind geboren wurde. Ils ont pas couché ensemble jusqu'à ce que cet enfant est né. You know, Joseph did not see that dream as just ordinary dream. Joseph hat diesen Traum ernst genommen. Joseph, il a pris ce songe, ce rêve vraiment au sérieux. To obey Christ's voice is not natural, but supernatural. Die Stimme von Christus zu gehorchen ist nicht natürlich, sondern übernatürlich. Écoutez la voix de Jésus-Christ, c'est vraiment surnaturel, c'est pas naturel. We all have freedom of choice. Wir alle haben eine die Entscheidungswahl. Nun tous en a en a. Bitte? Das war schon gesagt. Entscheidungsfreiheit. Okay, Freiheit. Das war besser. Also. Wo waren wir schon? Tout le monde a le choix de décider lui-même. Amen. You know, Joseph had the freedom of choice to say yes or no, to accept it or not. Joseph a pu décider lui-même, il avait un choix pour dire oui ou non, d'accepter ou de refuser. For Christ's children, we have the Holy Spirit as a helper in time of need. To believe Christ. Kinder Gottes haben wir den Heiligen Geist. Amen. Als Helfer, der uns hilft zu glauben. Amen. Because les enfants de Dieu, ils ont le Saint-Esprit qui les aide à croire. Because with the natural mind, you can never believe it. Ja, mit dem natürlichen Verstand kannst du das nicht glauben. Parce qu'avec nos pensées naturelles, on peut pas le croire, on va jamais le croire. If you also look at Mary and Jesus. Wenn du dir Maria und Jesus anschaust. Si tu regardes Marie et Jésus. And Jesus seedlings. Und die Geschwister von Jesus. Et les frères de Jésus. You know, to believe that Jesus is God is a real, is, you know, it's no joke. Zu glauben, dass Jesus Gott somebody ist, that we grew up together. Ist krass. Jemand, mit dem du halt einfach aufgewachsen bist als Kind, zu glauben, dass diese Person Gott ist. C'est pas facile de voir ton frère à côté de toi. How hard it was for Mary to get it that she was not the mother of Christ. Oder wie hat es auch für Maria war zu erkennen, dass sie nicht die Mutter von Christus ist? C'était aussi, peut-être c'est aussi difficile pour Marie de comprendre que c'est pas elle la vraie mère de Jésus. How hard your natural parents will know for them to believe that they are no longer your parents. Ja, wie schwer es auch für Christen Eltern ist zu glauben, dass sie nicht deine Eltern sind und Christus allein. It's so hard. Amen. C'est aussi difficile de croire, de comprendre que tes parents naturels ne sont plus tes vrais parents. How hard it was, you know, it was for Mary to let go of Jesus. Wie schwer es war für Maria loszulassen. C'était vraiment difficile aussi pour Marie de laisser Jésus-Christ dans la main de Dieu. Jesus loszulassen. De laisser vers... You know, in Matthew 12, from 40, 47 to the end. Matthäus 12. You know, she was looking for Jesus. Sie hat nach Jesus gesucht. Elle cherchait Jésus. And Jesus said, my family. Jesus hat gesagt, meine it's Familie, das ist nicht du. Et Jésus lui a dit que ma famille, c'est pas toi. Praise the Lord. My family is not you. Meine Familie bist nicht du. Ma famille, c'est pas toi. I have a family. Ich habe eine Familie. Moi, j'ai une famille. Oh, Daddy. Ah, praise the Lord. Amen. Mm. And I heard somebody said, okay, when Jesus finished there, he went home. Jesus was after his father, not after the flesh. 24/7. Die Leute sagen, ja, aber als er dann fertig war, ist er dann nach Hause gegangen. Ja, aber dennoch war er 24/7 immer, ging es ihm immer um seinen Vater. Et les gens disent que oui, quand il était fini, il était rentré à la maison avec sa famille, mais Jésus-Christ, lui, pour lui, sa concentration, c'était son père. If you go to John 19, from 25 to 27, you see there that Jesus, when he was about to die, he now said he connected the mother to John. I don't know if you know that. Before Jesus gestorben ist, hat er seine Mutter sozusagen Johannes angekaut. I was always asking the Lord, what is the meaning of that? Ich habe immer den Herrn gefragt, weshalb hat er seine Let's Mutter Let's go there, John 19. Avant que Jésus puisse mourir, il a connecté sa mère John 19. À Jean. On va le lire. J'ai demandé à Dieu, ça signifie quoi ça? He said, now there stood by the cross of Jesus, his mother. And his mother's sister, Mary, the wife of Cleophas, and Mary Magdalene. A lot of them, they were all Mary, Mary, Mary. Mm-hmm. Then verse 26. When Jesus therefore saw his mother and the disciples standing by, whom he loved, he said unto his mother, woman, behold your son. Then said he to the disciple, behold your mother. And from that hour, that disciple took her unto his heart, his own home. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Lord, I'll be asking, why, what's the meaning of this place? Je me suis demandé pourquoi il a dit, voici ta mère, qu'est-ce que ça signifie? And the Lord took me to 2 Peter 3, 9. Hat der Herr mir 2. Petrus 3:9 gezeigt. Et Dieu m'a révélé 2 Pierre. He said it is not his will that any perish, even the mother of Jesus to perish. Es ist nicht sein Wille, dass irgendjemand zugrunde geht, auch nicht seine eigene Mutter. Il a dit que c'est pas sa volonté que quelqu'un puisse périr, même pas la maman de Jésus-Christ. He said she is not saved, she will go to hell if even she is the mother of Jesus. Selbst wenn sie nicht errettet ist, wird sie auch in die Hölle gehen, obwohl sie Jesus gebärt hat. Parce que si elle n'a pas le salut, même elle peut partir en enfer malgré elle est la mère de Jésus. You know, if you look at Mary and Lucifer, which of them was even closer to God? Wenn wir uns Maria oder Lucifer anschauen, wer von ihnen stand Gott näher? Si on regarde entre Marie et Lucifer, qui d'entre eux était plus proche de Jésus? Amen. If you look at Lucifer, he was so close to God. Very close. Lucifer était very, very proche de Jésus. Amen. Amen. Who is Mary? Just flesh and blood. Et Marie, just elle était human. Juste une être humain. Are you getting it? Amen. If Lucifer can go to hell because of rebellion, Mary can go to hell. If she is not saved. Wenn Lucifer in die Hölle geht wegen dieser Rebellion, dann kann selbst Maria in die Hölle gehen, wenn sie nicht errettet wird. Si Lucifer est capable de partir en enfer à cause de sa rébellion, là même Marie aussi peut aussi partir en enfer si elle n'a pas le salut, elle ne croit pas en Jésus-Christ. No, because it's not about the flesh. Parce qu'il ne s'agit pas de la chair, il s'agit de l'esprit. You know, I remember when a woman was saying, when a woman said, blessed is the breast that you suck. Jesus said, no, it's not blessed. It's not the flesh, but the spirit. Kann du sagen? Als zu Jesus gesagt worden ist, dass gesegnet ist die Brust, von der du getrunken hast als Baby, aber Jesus hat gesagt, nein, vielmehr sind die Leute gesegnet, die meinen Willen tun. Vous vous rappelez par exemple quand il y a une femme qui a dit à Jésus-Christ béni soit le sein qui te nourrit, et Dieu Jésus-Christ a dit non, béni soit les gens qui font la volonté de Dieu. You know, you might be the son of Abraham. Without Christ, we go to hell. Vielleicht bist du der Sohn von Abraham und Christus, gehst du in die Hölle. Peut-être tu es l'enfant d'Abraham, mais sans Jésus-Christ, tu pars en enfer. If your spirit is not saved, you will go to hell. But no matter how close you are to a pastor that is of Christ. Wenn dein Geist nicht gerettet ist, spielt es auch keine Rolle, ob dein Vater ein Pastor ist. Si ton esprit n'est pas sauvé, tu ne crois pas en Jésus-Christ, là, ça n'a même pas l'importance que tu sois un enfant ou d'un pasteur qui a le salut. If Lucifer can be thrown into hell, there's no one that cannot go into hell if you are not saved. Wenn selbst Lucifer in die Hölle geworfen wird, kann es jeden treffen. Si, même si Lucifer a été capable de partir, d'être tombé dans l'enfer, donc ça signifie qu'il y a tout le monde est capable d'y aller. If it is not Christ, you will go to hell. Wenn es nicht Christus ist, wirst du in die Hölle gehen. Si c'est pas Jésus-Christ, tu vas partir en enfer. If your spirit is not Christ, it's straight to hell. Wenn dein Geist nicht Christ ist, ist es sofortige Hölle. Si ton esprit c'est pas Jésus-Christ, ça signifie que tu vas partir en enfer. Not the flesh can save you. Nichts aus dem Fleisch kann dich retten. Rien de la chair peut te sauver. Pastor is my mother. Pastor is my father. Praise the Lord. Hallelujah. You know, so also how hard it was for Pharaoh to let God's people go. Genauso war es auch schwer für den Pharao, die Kinder Gottes ziehen zu lassen. Et c'est comme ça aussi, c'était aussi difficile pour le Pharao pour de laisser les enfants de Dieu pour pas. It is dangerous to drag people from Christ. Es ist sehr gefährlich. You know, to drag something with Christ is dangerous. Es ist sehr, sehr gefährlich, mit Gott etwas. It's like you. If your mother is a, you know, they keep on fighting you. It's so dangerous to them. Wenn zum Beispiel deine weltlichen Familie weiterhin dich kontaktieren, weiterhin dich von Christus wegziehen wollen, ist es sehr gefährlich für sie. C'est vraiment très, très dangereux pour la chair, ta famille naturelle, quand ils te combattent. Pendant que tu veux partir vers Jésus-Christ, c'est vraiment dangereux pour eux. I remember a pastor and a husband and wife in Nigeria. The wife is a pastor. The husband was always fighting her. Ich erinnere mich an ein Ehepaar. It was disturbing the work of God. Ich erinnere mich an ein Ehepaar. Because this woman was really from Christ. Okay, let me say it's really from Christ. But the husband was always fighting. Your husband is dead now. Because, you know, for Christ, it's not about the flesh. You know how many people died because of Moses? I don't know if somebody's getting it. Ich erinnere mich an ein Ehepaar in Nigeria. Die Frau war eine Pastorin und der Mann hat das immer bekämpft, hat immer wieder ihre Lehre bekämpft. Und dieser Mann ist dann gestorben, weil wenn etwas Kinder Gottes angreift oder Kinder Gottes von ihrer Beziehung mit Christus abhält, wird es immer gefährlich für diese Partei sein. Je me rappelle d'une femme en Nigeria qui était un enfant de Dieu, qui était vraiment un enfant de Dieu, et son mari par contre n'était pas un enfant de Dieu et il combattait vraiment sa femme. Et cet homme il est mort parce que c'est vraiment dangereux de combattre un enfant de Dieu, et surtout quand ça donne des difficultés à cette personne de faire son travail dans Jésus-Christ. Remember how he valued you so much. He said, if one is gone, he said, I will leave the 99 and go and look for him. Erinnert euch daran, wie sehr er euch wertschätzt, dass wenn einer verloren geht, wird er die anderen zurücklassen und das eine suchen. Rappelle-toi de comment Dieu t'apprécie, parce qu'il dit aussi dans sa parole que même si une personne entre vous est perdue, moi je veux partir, je veux rentrer et lui sauver. Don't drag anything with Jesus. Deswegen sollen wir mit Jesus nichts, ihm nichts wegnehmen, versuchen wegzuzerren. C'est pour cela, il ne faut pas empêcher quelqu'un de partir vers Jésus-Christ, parce que c'est vraiment. Remember what happened to Pharaoh. It's still there today. It can still happen. Pharaoh passiert das. Es kann heute immer noch. The fight got children. It's the same yesterday, today and forever. Weil der gleiche gestern, heute und für immer ist. Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. C'est pour cela qu'il faut faire attention. La même chose peut ce qui est arrivé au Pharaoh peut aussi t'arriver. It was so hard for Pharaoh to let go. Es fiel Pharaoh so schwer loszulassen. C'était vraiment difficile pour le Pharaon de laisser les enfants de Dieu partir. Imagine if Joseph refused to let Mary give birth to Christ. Hört euch vor, wenn Jesus sich quergestellt hätte und gesagt hat, du gebärst dieses Kind nicht, du musst es abtreiben. Imagine si Joseph avait refusé que Marie puisse faire naître Jésus. Or Mary refused to let Jesus go to do the work of his father. Oder Maria hätte sich in die Wege von Jesus gestellt und sagt, nein, du gehst nicht predigen, du bleibst mein Sohn und gehorchst mir. Ou imagine Marie si Marie avait refusé que Jésus puisse faire le travail de son père. Or let me go to the Old Testament. Or Abraham, the family, the natural family refused to let him go. Where God Familie is saying, go to a place that I show you. Ihn eingesperrt hätte und gesagt hätte, du gehst nicht aus dieser Familie raus, aus diesem Land. Aber das wäre tödlich geendet für alle diese Leute. Même Abraham, quand Dieu lui a dit de partir, de laisser sa famille, imagine sa famille avait un problème avec sa lettre, aussi un problème pour eux. Christ's world is a radical world. Die Welt von Christus ist eine radikale Welt. Le monde de Jésus est un monde radical. Where you have to leave everything to have it. Are you getting it? It's a radical world. Tu dois vraiment, amen. Tu dois vraiment tout abandonner pour lui suivre. C'est un monde radical. He said you have to hate all. Wir müssen alles hassen. On doit vraiment. That is radical. Das ist radikal. Ça, c'est radical. Hate all, including yourself. Und selbst sollen wir hassen. On doit tout haïr, même without the supernatural, you can never even achieve. Ohne das Übernatürliche kannst du das noch nicht mal. Et sans le Saint-Esprit, sans le surnaturel, tu peux même pas le comprendre. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. So please, if you have any question or any